Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. J'ai le plaisir d'accueillir un nouveau chroniqueur à Futur Simple. Il s'appelle Samuel Lauzon. Samuel a une formation de biologiste. Durant ses études, il s'est intéressé à l'océanographie, ce qui l'a conduit au large de l'océan Arctique à bord du navire de recherche Admundsen. Et puis, c'est finalement en foresterie que Samuel a touché terre. Pendant près de 10 ans, il a arpenté la forêt boréale du Québec pour la direction de recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et il a depuis peu rejoint l'équipe de transfert de connaissances de cette organisation pour faire de la vulgarisation scientifique et nous arrive aujourd'hui à Futur Simple. Bonjour Samuel. Bonjour Valérie, merci de m'accueillir. Et alors, malgré ton intérêt pour la foresterie, Samuel, je crois qu'aujourd'hui, pour le thème de ta première chronique, c'est un tout autre sujet que tu as choisi, dans une autre direction que tu nous emmènes. Tout à fait Valérie. Aujourd'hui, pour cette première chronique, j'avais envie de vous parler des recherches d'une jeune chercheuse, Marianne Falardeau-Côté. Malgré la jeune trentaine, ses recherches ont déjà suscité beaucoup d'intérêt. Elle a entre autres reçu la bourse Laure Wardell d'Équiterre, a été lauréate Le Soleil Radio-Canada et a été nommée sur la courte liste des 30 Canadiens de moins de 30 ans qui se démarquent dans le domaine du développement durable. Marianne a grandi à Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mais c'est dans le Grand Nord canadien qu'elle poursuit ses recherches. Je vous invite à découvrir ses recherches à la frontière entre les sciences biologiques et les sciences sociales. Bonjour Marianne. Bonjour Samuel. Pourrais-tu me dire en quelques mots en quoi consistent tes recherches? Mes recherches ont plusieurs dimensions, là, mais entre autres, je vise à mieux comprendre comment l'écosystème marin arctique évolue dans le contexte du changement climatique, puis les implications pour les pêcheries d'ombre chevalier qui sont extrêmement importantes là, pour les communautés. Et concrètement, ça consiste en quoi ces recherches sur le terrain? Donc, ma recherche en termes d'échantillonnage de l'ombre chevalier se produit surtout l'été. Pendant l'ombre chevalier étant une espèce anadrome, elle va migrer là, vers les océans pendant l'été, puis revenir vers les lacs à la fin de l'été. Donc, on va souvent synchroniser les échantillonnages avec ces migrations-là. Mais aussi, mes recherches, une des particularités, c'est que je travaille vraiment en collaboration avec les communautés. Donc, il y a tout un volet aussi social associé à mes travaux. Donc, ça va impliquer que je vais aussi des fois aller dans le nord pendant l'hiver afin de faire plutôt des rencontres ou des groupes de discussion avec des gens des communautés. Donc, c'est vraiment comme deux dynamiques un peu différentes. Si j'y vais en été, ça va être vraiment plus pour des échantillonnages, donc avec les bottes de pluie sur le terrain, sur des bateaux, des choses comme ça. Puis l'hiver, ça va être plutôt aller s'asseoir à une table, boire du thé avec des gens, discuter. Donc, les journées vont être assez différentes, là, tout dépendant de l'objectif du séjour. Pour ce qui est, là, mettons, de l'été, l'ombre le chevalier, on va l'échantillonner beaucoup à partir du rivage. On va installer des filets le long du rivage, puis là, attendre que l'ombre le chevalier se prenne malheureusement dans les filets pour eux, mais heureusement pour les pêcheurs. Et nous, beaucoup ce qu'on fait, en fait, c'est que je ne vais pas moi-même échantillonner des poissons ou pêcher des poissons pour la science spécifiquement, mais plutôt collaborer avec des pêcheurs locaux. Puis eux vont conserver, en fait, les prises pour des fins de subsistance pour l'alimentation. Donc, l'objectif premier de ces pêches-là, en fait, c'est vraiment pour les gens de la place. Puis nous, on va juste prendre quelques mesures puis un petit échantillon sur le spécimen, là, mais on ne le pêche pas spécifiquement là, pour la science qui permet de ne pas, disons, extraire des ressources là, seulement pour des fins scientifiques, mais vraiment qu'en fait, ça soit un beau partenariat comme ça avec les pêcheurs puis la communauté. Oui, parlons-en de ce partenariat. Je suis curieux, quel type d'approche privilégiez-vous? J'imagine qu'on n'arrive pas comme ça dans le Grand Nord sans crier gare. Oui, c'est une excellente question. Puis non, on n'arrive pas comme ça. Il y a tout un processus associé à ça à long terme. Du moins, le type d'approche que je préconise, c'est vraiment d'y aller d'une approche partenariale. Donc, commencer par bâtir des relations, bâtir la confiance avant même d'avoir des questions de recherche, puis même un design de recherche en tête, mais plutôt de en premier, essayer de bâtir un lien, voir s'il y a un intérêt, quelles sont les priorités du point de vue de la communauté, puis s'il y a une complémentarité entre, par exemple, leurs préoccupations, puis nos expertises scientifiques, puis est-ce qu'on peut ensemble faire un projet qui va permettre de répondre à des questions scientifiques qui sont aussi d'importance pour, par exemple, le développement des pêcheries ou pour s'assurer là, que la pêcherie est durable ou, par exemple, s'il y a des préoccupations au niveau de la qualité de la nourriture dans le contexte du changement climatique. Donc, souvent, ça va être vraiment, en fait, des processus long terme là, dans lesquels je vais être impliquée. Donc, ça va faire un rythme de recherche, bien entendu, qui va être différent dans un type de recherche. Il n'y a pas toute cette approche communautaire-là qui va être impliquée, là. Par exemple, des recherches vraiment uniquement dans des laboratoires n'auront pas nécessairement à faire une approche comme ça. Mais quand on travaille avec des humains dans les communautés du Nord, mais même aussi dans le sud du Québec, là, c'est un type d'approche qui amène un type de résultat aussi différent, dont les portées pourraient être un peu plus appliquées facilement, disons, vu qu'il y a eu tout ce travail-là au préalable là, de collaboration et de discussion. Oui, des recherches avec des résultats un peu plus appliqués, comme vous dites. Je me demandais, pourquoi avoir choisi l'omble chevalier? C'est quoi les bénéfices de cette espèce-là et c'est quoi son importance en Arctique pour les communautés et pour le reste de la société? L'omble chevalier, c'est un salmonidé, donc ça fait partie de la même, du même groupe là, que les saumons. C'est un salmonidé qu'on retrouve dans le Grand Nord. C'est très important, surtout de la perspective des communautés. Là. Donc, c'est une espèce qui est pêchée énormément, autant à des fins commerciales qu'à des fins de subsistance et récréatives. Donc, c'est une espèce d'importance là, culturelle et socio-économique. Et puis, ben, dans la chaîne alimentaire, c'est une espèce qu'on va qualifier un peu plus de prédateur. Là. Donc, on va consommer des proies du zooplancton, va être elle aussi une proie pour certains mammifères marins, quoique pas toujours dans certaines régions, là, l'omble chevalier n'a pas beaucoup de prédateurs. Dans le cadre de mon doctorat à Cambridge Bay, il y a la plus grande pêcherie commerciale d'omble chevalier, donc ça génère des emplois, ça génère de la nourriture pour la communauté, mais aussi pour le Canada, là, parce que les poissons vont être exportés. Donc, c'est ce genre de bénéfices-là qui vont être associés à cette espèce. Oui, on comprend bien que l'omble chevalier est une espèce clé des écosystèmes arctiques, une espèce clé, voire emblématique. Une autre espèce emblématique à laquelle on pense souvent, c'est l'ours polaire. Et qui dit ours polaire dit changement climatique. Mais comment les bouleversements climatiques affectent-ils les pêcheries et les communautés nordiques? L'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus rapidement que le reste de la planète. Donc ça a un impact assez clair là, en termes de réduction du couvert de glace. L'Arctique étant un endroit où la glace est très, symbolique. Là. C'est un peu le symbole de l'Arctique, c'est que c'est un endroit glacé, froid, puis avec le changement climatique, il y a une perte du couvert de glace. Donc, d'un point de vue pragmatique, là, au jour le jour dans la vie des gens, bien, ça affecte beaucoup les déplacements, par exemple, le transport qui, en hiver, se produit beaucoup sur la glace. Puis là, on a les saisons, entre saisons, durant l'automne, le printemps, où des changements dans la glace peuvent en venir à être même dangereux. pour les déplacements. Donc ça, c'est un impact là, qui va être observé de manière très, très aiguë là, par les gens dans le Nord. Puis à tel point là, qu'il y a maintenant des... puis en fait, ça, c'est une des innovations là, qui est en train d'émerger, mais il y a des applications que les gens peuvent mettre sur leur téléphone pour traquer un peu justement où est-ce qu'il y a des ondes dangereuses dans la glace, des choses comme ça. Donc, il y a toutes sortes d'innovations technologiques qui sont en cours pour aider les communautés justement à faire face à ces changements-là, s'adapter à cette nouvelle réalité. Oui, très intéressant. J'aimerais maintenant aborder le sujet de la recherche collaborative et pourquoi son essor est si foisonnant, particulièrement en Arctique. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce sujet? Dans le Grand Nord, tout ce qui est la recherche collaborative a beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, c'est un paysage de la recherche qui est vraiment en pleine effervescence, qui évolue beaucoup. Donc, par exemple, dans le cadre de mon doctorat, en fait, en ce moment, je suis au postdoctorat, donc j'ai un type de liberté ou de liberté qui est différent, par exemple, d'un doctorat ou à une maîtrise ou à un projet un petit peu plus contraint dans le temps. Donc, il est possible qu'à ce moment-là, on doive avoir des questions un petit peu plus définies quand on arrive dans les communautés parce qu'on n'a pas une limite de temps si grande, là, puis on est contraint par certains... livrable académique qu'on doit faire, mais reste que c'est important d'aller consulter la communauté dans le développement des questions. Par exemple, dans le cadre de mon doctorat, j'avais approché des organismes de la communauté. J'étais allée passer même 2 mois dans la communauté dès le début de mon doctorat avec certaines idées de questions en tête, puis de leur dire aussi, ben voici, moi, c'est ça le type d'expertise que je peux amener, c'est-à-dire l'écologie marine. Je suis intéressée aussi à utiliser des approches qualitatives. Voici le type de questions auxquelles j'aimerais répondre. Puis là, avec leur feedback, avec leurs intérêts, priorités, là, ça m'a permis de raffiner les questions. Certaines questions que j'avais un peu déjà en tête, mais ça m'a permis de les raffermir, de les rendre plus précises en fonction des priorités de la communauté. Par exemple, quand j'ai commencé mon doctorat, je ne savais pas nécessairement si j'allais travailler sur l'ombre chevalier. Je savais que je voulais travailler en lien avec les écosystèmes marins, je m'intéressais aux pêcheries. Puis là, de fil en aiguille, en interagissant avec la communauté, c'est tellement apparu que l'ombre chevalier était une espèce cruciale pour eux que je me suis dit, ben, c'est sûr que je vais travailler sur cette espèce-là si je veux avoir une recherche qui est pertinente pour la communauté. C'est l'espèce qui est consommée le plus par les membres de la communauté. Donc, ça, c'est un exemple du type de réflexion que ça peut amener. C'est un peu de cibler là, certaines thématiques qui vont être plus intéressantes, disons, d'une perspective locale. Oui, je comprends très bien cette démarche collaborative et comment, ensemble avec les communautés inuites, vous en arrivez à développer, à trouver les besoins de recherche, mais... Une question demeure, comment faites-vous pour utiliser en quelque sorte le savoir traditionnel des communautés du Nord et les transformer en données probantes? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la question. Oui, je comprends la question. La formulation, je dirais, ce n'est pas le genre de formulation nécessairement que j'utiliserais là, dans le sens où on ne veut pas transformer ni utiliser quoi que ce soit, mais plutôt collaborer avec des types de savoirs qui ont leur intégrité, puis en tout cas, du moins, mon approche, je ne veux pas affecter l'intégrité de leur savoir, donc je ne tiens pas à intégrer leur savoir à un type de modèle ou transformer ces savoirs-là qui correspondent à des savoirs scientifiques, mais plutôt de reconnaître que chaque type de savoir a son mode de fonctionnement, ses fondements. Puis d'ailleurs, ça, c'est un apprentissage là, qu'on fait dans ce type de recherche-là, c'est que certains types de savoir, on n'a juste pas la même façon de voir le monde, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Donc, si on essaie de trop intégrer un type de savoir à l'autre, on va un peu dénaturer l'autre type de savoir. Là. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça un peu que ça peut faire. Donc, c'est plutôt des collaborations ou du moins dans mon approche, un des articles qu'on vient de publier, je vais présenter, par exemple, des connaissances autochtones, locales, qui ont été véhiculées par rapport aux thématiques étudiées. Puis, en parallèle, présenter ce que les données plus quantitatives de la science disons, académique, là, montre, puis un peu voir c'est où les complémentarités, est-ce qu'il y a des zones de non-complémentarité, comment ces différents types de connaissances-là peuvent venir ensemble, mais sans, disons, prendre les connaissances locales puis essayer de les intégrer à un modèle plus académique, disons, mais plutôt d'essayer de montrer les deux en parallèle. Donc, c'est un peu comme ça que je le décrirais, c'est de laisser les deux types de savoirs exister en parallèle, mais plus voir où est-ce qu'il y a des zones de complémentarité, parce que pour plusieurs raisons, des fois, les données sont incomplètes, surtout dans le Nord, là, on n'a pas des données extrêmement complètes pour plusieurs régions, parce qu'il y a beaucoup de bruit, si je peux dire, dans un écosystème, il y a beaucoup d'interactions, donc certaines qu'on ne capture pas nécessairement. Donc, au final, ça peut faire en sorte que notre modèle, bien qu'il va montrer certaines relations entre certaines variables, ne va pas être très puissant. Et c'est vraiment intéressant dans ce cas-là de venir parler à des experts locaux parce que parfois, ils peuvent nous véhiculer des connaissances qui, en fait, vont venir encore plus confirmer certains modèles quantitatifs qu'on a, mais qui n'étaient pas très puissants. Puis là, on se dit, ah ben si ces deux types de connaissances-là disent la même chose, sûrement que c'est que ça pointe effectivement dans cette direction-là. Des fois, ça se peut que ce soit l'inverse, là, que les deux types de connaissances ne disent pas la même chose. Mais bref, ça peut vraiment permettre, surtout dans des régions où on n'a pas beaucoup de données quantitatives, comme l'Arctique, par exemple, d'avoir toute cette autre source d'information-là pour venir comprendre comment l'Arctique change. C'est vraiment pertinent, là. Oui, c'est extrêmement intéressant. Je remarque que vous parlez d'experts locaux. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, bien, c'est ça. Il y a différents niveaux de connaissances, différents types de connaissances. C'est comment j'y pensais l'autre jour. Je suis en train de me dire, c'est ça, tu sais, j'ai un profil, par exemple, très occidental dans le sens où je suis allée à l'école quand j'étais au primaire, puis ensuite, on va au secondaire, on va au cégep, on va faire un bac, puis moi, j'ai poussé ça, je vais faire une maîtrise, encore plus, je vais faire un doctorat, tu sais. Donc, nous, on se qualifie dans un tel contexte de chercheurs, experts, scientifiques, etc., tu sais. Mais dans certaines communautés, il y a des gens, bon, il y en a qui vont aller à l'école jusqu'à un certain niveau, mais il y en a aussi qui ont passé leur vie sur le territoire naturel, tu sais, puis c'était ça leur école. Donc, imaginez le nombre de connaissances puis la profondeur des connaissances qu'on acquiert en passant sa vie à l'extérieur, dans la nature, à observer les relations animales, à chasser, à pêcher, à apprendre différentes techniques traditionnelles pour faire ces activités-là. Donc, ces gens-là ont des doctorats, si je peux dire, en savoir sur la nature, sur le territoire. Tu sais, c'est assez impressionnant, là, la finesse puis la profondeur de leurs connaissances par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est clairement des experts en la matière. Après, il y a différentes façons de collaborer avec ces experts locaux, autochtones, pour des projets de recherche. Par exemple, il y a des approches participatives qui vont vraiment viser à co-construire ensemble certains produits. Par exemple, il y en a qui vont utiliser, j'ai jamais utilisé de cartographie, mais il y en a qui vont bâtir ensemble des cartes avec des experts autochtones. Dans mon cas, j'ai utilisé une approche de scénario. Donc, le but avec des scénarios, c'est de visualiser ce à quoi le futur pourrait ressembler en se basant sur des données puis des informations du présent. Puis un peu voir vers quoi le futur là, pourrait évoluer en fonction de différents facteurs de changement. Donc, c'est différentes approches comme ça, là, participatives, qui vont nous permettre de collaborer, là, d'amener ensemble ces différents types de connaissances. Il y a aussi des approches plus traditionnelles, je dirais, des sciences sociales, comme des entrevues, des groupes de discussion. Donc, il y a vraiment toute une panoplie là, de méthodologies possible là, pour faire ce genre d'approche-là. Oui, merci Marianne. Je me demandais en terminant, qu'est-ce que ces voyages, ces nombreux voyages en Arctique et ces rencontres avec les communautés du Nord vous ont apporté sur le plan personnel? C'est extrêmement enrichissant. On rencontre des cultures qui sont au Canada, mais qui, dans le Sud, sont pas tellement, les gens connaissent pas vraiment c'est tous les visages du Nord, toutes les cultures qu'il y a dans le Nord, les façons de vivre, l'histoire, histoire qui est vraiment troublante, on va se le dire. Puis c'est pour ça qu'il y a tout aussi un mouvement vers la réconciliation, la décolonisation de la recherche. Donc, c'est des mouvements vraiment vibrants, c'est extrêmement dynamique. C'est en effervescence, là, ce milieu-là, comme je l'ai mentionné plus tôt. Puis, en même temps que moi, j'évolue dans ce milieu-là ou dans ce cheminement-là, le paysage de cette recherche-là lui-même évolue aussi. Donc, c'est vraiment par moments déboussolant là, de travailler dans cette interface-là, mais extrêmement, excessivement enrichissant, en fait. Puis, en tout cas, j'ose croire qu'à chaque jour, je me lève en étant un peu une meilleure humaine parce que j'en apprends toujours un peu plus. On dirait à chaque jour, ça n'arrête pas. Puis, le lendemain, je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses que je ne connais pas sur les contextes autochtones, sur les changements climatiques, sur l'Arctique. Tu sais, il y a tellement de choses à apprendre et on a tellement beaucoup de questions auxquelles répondre. Puis beaucoup d'approches aussi à raffiner pour que le fruit de nos recherches soit les plus pertinents possibles. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment, là, mais c'est une grosse boule d'apprentissage puis de grandir un peu plus chaque jour là, dans le processus. Merci Marianne Falardeau-Côté, étudiante postdoctorale au département de biologie de l'Université Laval, d'avoir pris ce temps pour nous raconter vos recherches. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir de vous parler de mes travaux. Alors, merci beaucoup pour ce beau reportage, Samuel, et on a hâte au prochain. Oui, avec plaisir. Merci. Bonne journée. Ainsi se termine Futur Simple, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine. Et pour ce soir, bien, je vous laisse en compagnie de l'aérospatiale, toujours sur CKRL 89.1. Savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, bout de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même notre éclat.